بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نخوض المسألة الخامسة. Cinquième مسألة. Toujours dans سورة البقرة. قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. Dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit que Allah a scellé leur cœur ainsi que leur oui. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas. Verset 7, sourate al-Baqarah. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبرون لأن من ختم على قلبه وجعلت العشاوة على بصره سلبت منه القدرة على الإيمان. Donc ce verset dans son apparent, qu'est-ce qu'il nous montre? Que ces gens-là, ils sont majbouroun. C'est bifat al-mim, naam. Majbouroun. C'est-à-dire qu'ils sont contraints. Que ce qu'ils font, ils le subissent, ils ne peuvent faire autrement. Car celui dont Allah a scellé le cœur et qu'il a recouvert la vue, lui, il lui sera retiré la capacité de pouvoir croire. Donc ça veut dire, malgré lui, il ne pourra pas croire. هذا هو ظاهر الآية. Et ça, c'est une masala qui est liée à masala du qadar et de la mashi'a et de l'irada qui, elle, a déjà été kazalik abordée dans d'autres durus, dans la aqidah, comme dans masalan Tadmuriya, zakarna hadha, et je pense aussi dans al-qa'id al-musla. قال وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أن كفرهم واقع بمشيئتهم وإرادتهم كقول الله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى. Donc dans d'autres versets qui pourraient paraître contradictoires par rapport à ce verset, il est venu le fait que leur kufr, leur mécréance a eu lieu par leur volonté et par leur libre arbitre. C'est eux qui l'ont voulu. Allah dans le sens où il dit qu'ils ont préféré, à part de Thamoud, qu'ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Surat Fussilat, verset 17. Elle est détaillée. Wa kaqoulihi ta'ala, ulaika allazina ishtaraw adh-dhalalata bil-huda wal-'adhaba bil-maghfira. Et ceux-là sont ceux qui ont acheté l'égarement contre la guidée et qui ont acheté le châtiment contre le pardon. Surat al-Baqara, verset 175. Wa kaqoulihi فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut qu'il croit et celui qui veut qu'il mécroit. Surat al-Kahf, la caverne, verset 29. وَكَذَلِكَ كَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ. Et cela pour ce que vos mains ont accompli. Surat al-Imran, verset 182. وكذلك جاء نفس آية من verset dans سورة الأنفال البتن verset 51. وكقوله لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. Et quelle mauvaise chose qu'ils ont accompli, c'est-à-dire de eux-mêmes, qu'ils ont voulu faire de eux-mêmes. Dans سورة المائدة verset 80. Donc tous ces versets-là montrent quoi? Que leur kufr et leur égarement est une chose qu'ils ont voulu. Contrairement aux versets qui laissent entendre que cela ils le subissent malgré eux. قال والجواب أن الختم والطبع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وبصارهم وقلوبهم كل ذلك عقاب من الله لهم على مبادرتهم للكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزءا وفاقا. Donc là maintenant ce ختم justement, le fait que Allah il est scellé leur cœur et qu'il est recouvert leur vue, kazalik, ainsi que leur oui, tout cela, c'est un châtiment d'Allah Azzawajal du fait qu'ils ont eux-mêmes voulu le kufr et qu'ils ont démenti les messagers, et cela de leur propre choix, et par leur volonté. Donc Allah les a châtiés en cela, en les privant du tawfiq, d'accepter la vérité. Et des fois, ça peut être muqatan. Ça peut être, comme on l'a vu dans le dars précédent, ça peut être un temps. Cela arrive et par la suite, Allah retire cela de leur cœur et ils acceptent. قَالَ كَمَا بَيَّنَهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ بل طبع الله عليها بكفرهم. Que Allah les a scellés pour leur mécréance, c'est-à-dire a scellé leur cœur pour leur mécréance. Sourate Nisa, les femmes, verset 155. وقوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم. Et cela du fait qu'ils ont cru, puis ils ont mécru, donc Allah a scellé leur cœur. Sourate Al-Munafiqun, les hypocrites, verset 3. وبقوله ونقلب أفئدتهم وبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. Et il dit que nous avons retourné leur cœur ainsi que leur vue du fait qu'ils n'y ont pas cru dès son début. Sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 110. Donc du fait qu'ils n'aient pas voulu croire dès le début alors que les preuves leur sont parvenues, que Allah a retourné leur cœur ainsi que leur vue. Wa li'az billah. Wa qawluhu falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Mais lorsqu'ils ont dévié, Allah fit dévier leur cœur. Sourate Saf, verset 5. Wa qawlihi fi qulubihim marad fazadahum Allah marada. Que dans leur cœur il y a une maladie et que Allah leur rajoute de la maladie pour cette maladie qu'ils avaient déjà auparavant de eux-mêmes. Sourate Al-Baqarah, verset 10. Wa qawlihi bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Et plutôt qu'ils ont été marqués sur leur cœur pour ce qu'ils ont accompli. C'est-à-dire, les péchés accomplis te mettent des points sur ton cœur noir, comme dans des hadiths cela est venu, à tel point qu'à la fin, ton cœur devient tout noir, qu'il n'arrive même plus à distinguer entre le vrai et le faux. Sourate Al-Mutaffifin, les fraudeurs, verset 14. Il est réalisé à l'ikem nil ayat. Donc cela revient à la mas'ala du qadar dans la mashia et dans l'irada. L'irada d'Allah Azzawajal, elle est de deux sortes. Shari'iyya wa kawniyya. Shari'iyya wa kawniyya. Shari'iyya, c'est une chose que Allah, il veut et qu'il aime. Mais cette chose-là n'a pas forcément lieu. Comme exemple, que les musulmans y fassent la salat. C'est une chose que Allah shari'an y veut. D'accord ? Et qu'il aime. Maintenant, est-ce que cela a forcément lieu ? On va dire, est-ce que tous les musulmans font la salat ? À la base, non. Maintenant, celui qui ne fait pas la salat, le hukm, on connaît, il y a un khilaf dans la mas'ala. Et kawni, c'est une chose que Allah il veut qu'elle ait lieu dans sa création. Elle a forcément lieu et il ne l'aime pas forcément. Comme quoi, mesalane, le kufr, des kuffars. Que Allah, ce kufr, il ne l'aime pas. Mais il l'a voulu, ça ne veut pas dire qu'il aime, et que ce kufr, il a forcément lieu. Et elle, une seule catégorie, elle revient à la irada al-kawniyya. Qu'est-ce que Allah il veut a forcément lieu, qu'il l'aime ou qu'il n'aime pas. Alors que la shal'iyya est des choses qu'il aime et qu'il veut dans le sens shal'an, mais qui n'ont pas forcément lieu. Et Adimas Allah, on en a parlé dans notre kutub, dans notre durus, pour ceux qui veulent retourner. Fabiad al-Qadna Ktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.